Radio Campus Lille, midi. Bonjour, il est midi sur Radio Campus et vous écoutez Angle d'attaque. Ils sont venus, ils sont tous là, Germain, René, Benjamin, Florent et Christian, l'équipe habituelle à laquelle Mathilde. Bonjour Mathilde. Oui. Mathilde nous fait le plaisir de se joindre pour animer avec nous Angle d'attaque, Attaque, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? De fiscalité. Le titre complet du thème est, vous l'avez lu sur le web, « Impôts, taxes, quelques idées fortes contre un paquet d'idées reçues ». Plus sexy que fiscalité tout court, mais l'objet est le même, bien sûr. Quand nous avons programmé nos 10 émissions de la saison, c'était en août dernier, la question de la fiscalité nous est venue d'évidence. Bah oui, hein. On est à Attaque, la taxation des transactions, ça nous parle, et notre symbole, le pourcent, en dit long sur notre mouvement. Il en dit peut-être un peu plus long qu'il ne faut d'ailleurs, enfin, je dis ça comme ça. Eh bien, en août, on ne s'attendait pas à se retrouver en pleine actualité. Alors que personne ne lui demandait rien au Premier ministre, voilà-t-y pas que notre héros national s'engage à mettre tout à plat dans le domaine de la fiscalité des ménages et des entreprises. Il a parlé de révolution. Je rappelle, venant de lui, la révolution, ça fait un peu peur quand même, hein. À vrai dire, on ne sait pas encore grand-chose, sauf que, globalement, on pense qu'elle devrait baisser cette fiscalité, en particulier pour les entreprises. Puis ça a été dit, on paye trop d'impôts. Ça a été dit par le président soi-même, un jour qu'il n'était pas en scooter, rue du Cirque, avec son casque de chez Motoblouz. Motoblouz, à 30 km d'ici, chez Carvin, ça ne s'invente pas. Bon, allez, soyons sérieux, impôts et taxes, quelques idées fortes contre un paquet d'idées reçues. Nous accueillons aujourd'hui au téléphone Dominique Plion, économiste et pour nous président du Conseil scientifique d'Attaque. Dominique Plion est régulièrement sur France Culture le samedi à 11h dans l'économie en question de Dominique Rousset. Eh bien aujourd'hui, les amis, il est sur votre radio, sur Radio Campus, qu'on se le dise. Bonjour à Dominique Plion, on le reprendra dans 10 minutes après que René la science, aura tout dit de l'actualité d'attaques locales, nationales et internationales. René, ce sera à toi. Après la pause musicale, Germain nous propose quelque chose ? Non, pas encore ? On enchaîne avec ? Avec un peu de musique. Avec un peu de musique tout de suite. Du Festival de Dunkerque. Oui. Du Festival de Dunkerque, oui, bon alors ça marche. We'll be right back. Oui, je ne vois pas trop le rapport avec le carnaval de Dunkerque, mais bon, René Lascience, c'est à toi, mon ami. D'accord, et bien... Tu nous parles d'actualité d'attaque. Oui, voilà. Donc, au plan national, eh bien, la conférence nationale des comités locaux qui s'est tenue les 8 et 9 février dernier et à laquelle Germain et moi-même avons assisté, nous a offert un large panorama des événements et mobilisations en cours et à venir. Tout d'abord, la campagne SOS taxe sur les transactions financières, empêchons Bercy et les banques de la saboter. Alors, en février 2013, la Commission européenne s'était enfin décidée à proposer une taxe sur les transactions financières. Pour rappel, revendication fondatrice d'Attac. Cette taxe européenne n'est pas parfaite, mais elle présente une réelle avancée. Elle permettrait de rapporter quelque 36 milliards d'euros pour les 11 États concernés. Mais depuis juin 2013, le gouvernement français, sous la pression des lobbies bancaires et financiers, s'emploie à vider ce projet de son contenu. Le 19 février prochain, la France et l'Allemagne doivent prendre une initiative commune sur cette taxe. Aussi, la campagne menée par le collectif dans lequel s'inscrit Attac s'intensifie, notamment avec la lettre ouverte européenne adressée à François Hollande « Ne cédez pas aux lobbies des banques ». Que vous trouverez sur le site d'Attac France, il est encore temps de l'envoyer. Oui, il y a même un décompte heure par heure jusqu'au 19 février, en effet. Oui. Ensuite, la campagne contre le grand marché transatlantique, ou Stop TAFTA. Elle concerne bien sûr l'accord de libre-échange Union européenne-États-Unis, que j'ai déjà largement évoqué dans les activités d'Attac, et qui était d'ailleurs le thème de l'émission de janvier. Avec l'intervention de Jean Gadret. En mars doit se dérouler le quatrième round des négociations. Toutefois, et c'est une bonne nouvelle, cet accord soulève nombre de réserves au niveau des politiques. Mais des deux côtés de l'Atlantique d'ailleurs, en effet. Hein. Tout à fait. Aux États-Unis, déjà le Congrès, donc principalement les démocrates, a demandé que la procédure rapide de validation du traité ne soit pas retenue. En Allemagne, prise de position de deux ministres qui émettent des réserves et s'opposent à la clause de règlement des différends. En France, Nicole Bricq, ministre du Commerce extérieur, a dû affronter les critiques du Sénat. Mais restons vigilants. La mobilisation s'organise au niveau européen. Un réseau d'opposition au traité s'est constitué. Des semaines d'action décentralisées doivent se mettre en place dans toute l'Europe, notamment en mars au moment des négociations et en mai au moment des élections européennes. En France, un collectif national dont fait partie Attac s'est mis en place et bien sûr la campagne se décline également au niveau local. Oui, en effet, hein, René, on a les trois attaques de la métropole, donc Roubaix-Tourcoing, Villeneuve-d'Ascq et Lille, sont à l'origine d'un collectif qui est en train de se monter. Il y a déjà une première réunion le 4 février et nous prévoyons un meeting, donc on peut retenir la date, Florent, hein, le 7 avril au gymnase à 18h30 avec Raoul Marc Génard qui proposera sa lecture des choses qui ont fuité de la Commission européenne sur le traité transatlantique. Oui. Et également, une prochaine réunion est prévue le mardi 11 mars à 18h30, salle Concorde. Voilà, donc beaucoup de collectifs, beaucoup d'associations nous ont déjà rejoints dans cette campagne. La campagne requin, René, là. Alors, ensuite, la campagne requin, je l'ai évoquée aussi au cours de notre précédente émission. Elle consiste à informer le public sur les agissements des banques et des multinationales à l'aide d'un kit, c'est-à-dire un petit livret d'explications contenant 8 autocollants. Dans un premier temps, la campagne vise la BNP, la Société Générale et Unilever. Et déjà, le financement participatif a permis d'imprimer plus de 50 000 kits, qui seront distribués au cours des actions et animations de rue prévues le samedi 15 mars dans de nombreuses localités. Notre-Dame-des-Landes. Ça fait un moment que l'on ne vous avait plus parlé de cette lutte. Mais l'État et les pro-aéroports menacent de passer de nouveau en force. Pourtant, sur place, le mouvement est encore plus vivant qu'à l'automne 2012. Attac appelle tous ses adhérents, tous les citoyens à poursuivre le combat dans l'unité contre ce projet inutile et imposé jusqu'à son abandon. et à participer à la manifestation le samedi 22 février à 13h à Nantes, devant la préfecture. Entendu. Alors, il y a une université d'été européenne cette année à Paris, oui. Il me semble. Oui, au cours de la CNCL. Donc, nous avons eu une série d'informations sur cette université d'été. Donc, bien sûr, c'est Attac France qui l'accueille, c'est l'université d'été des attaques d'Europe. Et cette année, c'est la France qui l'accueille. Donc, elle se tiendra à Paris du 19 au 23 août sur le site de l'université Paris 7 Diderot. Oui. Dans le 13e oui, arrondissement. Les principaux axes seront les questions européennes, la transition écologique, les questions internationales. Cela demande bien sûr une forte mobilisation pour organiser un événement de cette importance, où l'on attend 1200 à 1500 personnes venues d'Europe, mais aussi d'autres régions du monde. Déjà, l'on recherche des interprètes pour les traductions, notamment en anglais, allemand et espagnol. Si vous maîtrisez bien ces langues et qu'un petit séjour à Paris au mois d'août vous branche, vous pouvez nous contacter. Ok, vous avez peut-être entendu des interférences. C'est, c'est Dominique Plion qui est en train de nous appeler. Oui. Bonjour Dominique Plion. Bonjour, est-ce que vous ne pouvez pas m'appeler parce que je vais avoir une facture de téléphone énorme là, si je vous appelle pendant une demi-heure à partir de mon portable. Oui, d'accord, mais on va faire ça. On a ton numéro de portable. Oui, d'accord. Merci. À tout de suite. Le collectif. Ah, j'ai oublié ça. Je crois que j'ai pas lu jusqu'au bout. Collectif. Oh, je suis désolé. Oui, alors bon, bah, effectivement, excusez-nous pour cet intermède un peu foireux. René, le collectif O, forcément. Oui, je termine avec le collectif O. Nous commençons à recevoir les réponses aux questionnaires envoyés aux candidats des élections municipales. Très peu pour l'instant. Et exclusivement des listes favorables au retour en régie publique. Je vous laisse deviner lesquelles. Le questionnaire a été communiqué à la presse. D'autre part, le jeudi 20 février à 19h30, projection du film documentaire L'Or Bleu, en collaboration avec l'Association marocaine des droits humains, au cinéma L'Univers, 16 rue Danton à Lille, donc à 19h30. D'autre part, ce jeudi 20 février également, une réunion est organisée à l'initiative de l'AMRES avec les candidats aux municipales. Plusieurs membres du collectif O ont prévu d'y assister. Et enfin, le projet d'action de proximité, vérification des factures d'eau auprès des locataires, se précise. Une première rencontre avec la CLCV est prévue début mars. Bien, on va essayer de vous fournir une page musicale avant d'enchaîner avec la fiscalité et Dominique Plion. Ancêtres endormis, campesino, campesino, porticando, campesino. Les uns sont terre menue, d'autres la racine du froment, d'autres pierres répandues tout le long de la rivière. Campesino, campesino, porticando, campesino. Si souvent, oui, si souvent, bien au-delà du semis, dans la forge des soirées, ils sont allés tremper leurs cris. campesino, campesino, porti canto, campesino. Aux saintes missions de l'homme, neige, soleil, renoncement, mourir, assumer la vie, vivre à bien tromper son cri. Campesino, campesino, porti canto, campesino. Parler de fiscalité, d'impôts, taxes, voilà. C'est Mathilde qui va prendre la parole la première et qui va appeler, donc ça c'est appelé, qui va questionner Dominique Plion. Merci Dominique Plion d'être parmi nous. Bonjour, bonjour. Bonjour Dominique Plion. Je vous entends très mal. Oui, je ne sais pas pourquoi. Pour commencer un petit peu la discussion. Je ne vous entends pas, Martine. Mathilde. Le bleu. Pour commencer un petit peu la discussion d'aujourd'hui, on déclare sans cesse que la France a un taux de prélèvement obligatoire en pourcentage du PIB un des plus élevés européens. Est-ce qu'on peut vraiment affirmer ça? Et est-ce que, selon vous, c'est réellement un problème? Alors oui, on peut dire qu'on a un des taux de prélèvement obligatoire les plus élevés, ça c'est clair. Qu'est-ce que sont les prélèvements obligatoires, hein? Il y a deux parties principales. Il y a d'une part la fiscalité, les impôts, par exemple la TVA, l'impôt sur le revenu, etc. Et d'autre part, il y a les prélèvements sociaux, c'est-à-dire principalement les différentes cotisations sociales. Et la raison pour laquelle la France a un taux de prélèvement obligatoire relativement élevé, c'est parce qu'elle a décidé, que le peuple français a décidé de socialiser une grande partie de sa protection sociale, que ce soit l'assurance maladie, l'assurance chômage, l'assurance vieillesse, etc. Et donc, c'est ça qui explique pourquoi on a un taux de prélèvement obligatoire important. Quand on se compare à d'autres pays européens ou en dehors de l'Europe, comme les États-Unis, eh bien, on voit qu'il y a des taux de prélèvement obligatoire plus bas, mais parce qu'ils n'ont pas socialisé leur protection sociale comme nous. Et que ça veut dire que la protection sociale est privatisée et est faite par les organismes privés, et qu'en réalité, quand on regarde ce que ça coûte aux citoyens de ces pays-là, eh bien, ça leur coûte souvent beaucoup plus cher que ce que nous payons en France. Et d'autre part, c'est beaucoup plus inégalitaire, parce que l'avantage de la socialisation de la protection sociale, c'est que ça permet une péréquation, une redistribution des charges en fonction des moyens des uns et des autres. Donc, ce n'est pas un problème. Au contraire, c'est une force de la société française que d'avoir ce système de protection sociale, et donc qui a pour contrepartie des prélèvements obligatoires relativement élevés. Ça fait partie, je dirais, du bien-être de la société française. Je pense que la plupart des citoyens français plébiscitent ce système. Mais on entend tout de même régulièrement actuellement que, notamment les chefs d'entreprise, que trop d'impôts tue l'impôt, qui émane de la courbe de l'affaire et qui a été utilisé par Reagan et Thatcher, et qui est remis en avant sous l'ère Hollande également. Alors, ça c'est le patronat, très largement, ou disons la frange des économistes libéraux, qui veulent le moins d'État possible. Donc évidemment, dans cette idéologie-là, moins d'État, donc moins d'impôts, c'est l'idéal. Alors on voit bien l'offensive, par exemple, du patronat français du MEDEF, qui demande de diminuer de 100 milliards les charges sociales, et en particulier, donc, de s'attaquer à l'assurance chômage, comme ça s'est fait ces jours derniers, de s'attaquer aux allocations familiales, etc. Donc le gouvernement actuel, d'ailleurs, a fait des concessions, hein, on va en parler peut-être un peu plus tard, sur ce point-là, en faisant, en promettant des baisses. Mais en réalité, la courbe de l'affaire, qui explique que quand il y a trop d'impôts, le rendement de l'impôt diminue, n'a jamais été vérifiée. Moi, je parle là en tant qu'économiste, enseignant-chercheur. Je peux vous dire que les travaux empiriques existants n'ont jamais permis de démontrer l'existence d'une courbe au sens de la courbe de l'affaire. Donc, c'est, disons, une présentation idéologique mise en avant par le patronat et par une partie des économistes ultralibéraux, mais ce n'a pas été démontré. Et que dans les pays d'Europe du Nord, par exemple, si on veut citer la France, les pays dits scandinaves, Norvège, Danemark, par exemple, ou Suède, c'est les pays où il y a des prélèvements obligatoires aussi relativement élevés, et le rendement de l'impôt n'y est pas pour autant atteint. Donc, si vous voulez, c'est, je pense, une conception fausse et de nature idéologique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quelles sont l'évolution du taux de TVA et l'évolution de l'impôt sur le revenu ces dernières années en France? Et d'après vous, pourquoi un tel choix politique et quel impact ça peut avoir sur notre société? Alors en effet, en France, la France se caractérise par rapport à ses voisins européens par le fait que c'est un des pays où la TVA est la plus élevée et que c'est donc la ressource principale, pratiquement, pour l'État. Et du coup, par voie de conséquence, l'impôt sur le revenu y est beaucoup moins important qu'ailleurs, que moins important que chez nos voisins allemands, britanniques, hollandais, etc. Et ça, c'est quelque chose de très critiquable, parce que la TVA est un impôt dit régressif, c'est-à-dire qu'il frappe plus les bas revenus que les hauts revenus, puisque nous payons le même impôt sur les biens de consommation, par exemple, qui sont donc assujettis à la TVA, ou l'hôtellerie, ou la restauration, par exemple, ou les transports, quel que soit notre niveau de revenu. Alors que l'impôt sur le revenu, tel qu'il existe chez nous, est un impôt progressif, même si sa progressivité, d'ailleurs, a été fortement réduite ces dernières décennies. Donc, je crois que il faut plaider et il faut se battre pour retrouver un système dans lequel nous rejoignons un petit peu la moyenne européenne de ce point de vue-là, avec un impôt sur le revenu plus important, plus progressif, et une TVA qui serait moins importante. Or, il faut constater que les dernières décisions du gouvernement français, qui étaient d'augmenter la TVA au début de cette année 2014, ne va pas du tout dans ce sens, ce qu'il faut déplorer. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement a fait ce choix? Eh bien, parce que c'est un impôt, la TVA, qui est finalement assez indolore, puisque vous ne vous rendez pas compte quand vous achetez du pain ou vous achetez un billet de tram ou une place de cinéma que vous payez un impôt. Alors que par contre, quand vous payez l'impôt sur le revenu, vous vous en rendez compte. Et le gouvernement, avec une certaine hypocrisie, préfère augmenter ce type d'impôt, ce qui est tout à fait déplorable et contraire à l'équité et à la justice fiscale. Mais actuellement, sur les dernières années, on s'aborde l'impôt sur le revenu. Je crois savoir qu'en 1986, on avait par exemple 13 tranches d'imposition sur le revenu, alors qu'on n'en a plus que 5 actuellement. Exactement. Que sous Roosevelt, on avait un taux d'imposition maximal de 90%, alors que maintenant, on est Exactement. Sur des chiffres beaucoup plus bas. C'est qu'on a, dans nos différents pays, la France n'est pas la seule, hein, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Allemagne, la Grande-Bretagne, etc., on a réduit la progressivité de l'impôt sur le revenu en supprimant des tranches supérieures parce que les classes sociales dominantes ne voulaient pas, évidemment, payer ce type d'impôt qui, évidemment, les frappe particulièrement. Et donc, l'aspect redistributif de l'impôt sur le revenu a été fortement réduit. Ça, c'est catastrophique. Et la mesure qui a été prise par le gouvernement, par le candidat Hollande, et puis après qui a été appliquée, qui est la fameuse taxe de 75% pour les gens qui gagnent plus d'un million, c'est quelque chose qui est très dangereux, parce que d'abord ça touche une très très faible minorité de gens, donc le rendement fiscal de cet impôt est faible, et ensuite ça exonère le gouvernement de faire la réforme fiscale qui consisterait à rajouter des tranches supplémentaires à l'impôt sur le revenu. Donc ce que nous demandons, c'est qu'il faut absolument revoir, réformer l'impôt sur le revenu et augmenter à nouveau sa progressivité de manière à réduire les écarts absolument considérables de revenus qui existent dans nos pays, qui n'ont fait que s'accroître dans la période récente. Et sur l'impôt sur les sociétés, on a également une évolution qui est importante. J'ai récemment lu un article de Philippe Léger qui nous expliquait que l'imposition sur les sociétés des grandes entreprises était de 4 à 10%, alors qu'elle pouvait être de 30 à 40% pour les PME. Tout à fait. Alors, là aussi, il y a un système complètement inégalitaire entre les entreprises, avec, comme vous venez de le signaler. C'est que d'un côté, vous avez la masse des PME, petites et moyennes entreprises, qui payent plein pot les impôts sur la société, sachant que le taux d'impôt sur les sociétés a quand même baissé. Hein. L'impôt sur les sociétés officielles, si vous voulez, était il y a 20 ans de 50% d'impôt sur les bénéfices. Il n'est plus que de 33 1/3 aujourd'hui. Hein. C'est l'impôt le taux de référence. Donc il a fortement baissé pour toutes les entreprises. Mais en plus, si les PME donc, payent le 33 1/3, là, les grandes entreprises, par exemple celles qui sont dans le CAC 40, payent un taux moyen d'impôt seulement de 6 à 8%. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elles bénéficient d'une part de niches fiscales très importantes, de réduction d'impôts, par exemple l'impôt recherche, le crédit impôt recherche, qui est une forme d'ailleurs d'évasion fiscale bien connue, et que d'autre part, elles font de l'évasion, voire de la fraude fiscale, en déplaçant leurs profits dans... en les localisant dans les paradis fiscaux, hein, les paradis fiscaux tout près de nous. Donc, si vous voulez, Total, par exemple, prendre un exemple, la société Total, certaines années récentes, a payé 0 euro d'impôt grâce à ce système qu'elle a mis en place pour faire de l'évasion fiscale massivement. Donc, on a des grandes entreprises qui ont un taux d'imposition sur les sociétés qui est minime, qui arrivent à optimiser, voire frauder fiscalement, si on résume. Tout à fait, ça c'est aujourd'hui quelque chose de très reconnu. Il y a eu nombre de rapports faits par exemple par la Cour des comptes ou par l'Assemblée nationale ou le Sénat qui démontrent et qui dénoncent d'ailleurs ce type de pratique, mais rien n'est fait parce que le lobby des grandes sociétés est tellement puissant qu'elles arrivent à empêcher toute réforme dans ce domaine. Et face à cela, est-ce que vous pensez qu'un serpent fiscal européen pourrait être souhaitable ? Et est-ce que, d'après vous, l'harmonisation fiscale au niveau européen pourrait se faire par le haut ? Alors, oui, il est souhaitable. Si l'Europe a un sens, on a fait l'Europe monétaire avec tous les avatars qu'on lui connaît. On a oublié de faire l'Europe fiscale. Et il est clair que c'est donc une construction européenne complètement déséquilibrée, qu'il faudrait... harmoniser la fiscalité. Alors, la notion de serpent fiscal, c'est simple. C'est l'idée qu'on va essayer décider de situer les taux d'imposition à des niveaux à peu près communs, en laissant des petites marges de manœuvre, d'où l'idée de serpent, possible entre d'un pays à l'autre. Mais il ne suffit pas d'harmoniser les taux. Donc, un serpent fiscal ne serait pas suffisant. Il faut aussi harmoniser l'assiette. Car vous savez que la fiscalité repose sur deux paramètres, d'une part les taux d'imposition, mais d'autre part les assiettes fiscales, la base fiscale si vous préférez. Or, là aussi, il y a des différences énormes d'un pays à l'autre, donc il faudrait harmoniser également la base fiscale. Alors, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, il faut savoir qu'il y a en ce moment une directive en préparation qui tente de proposer des éléments d'harmonisation concernant l'impôt sur les sociétés. Donc, disons que la Commission européenne et les gouvernements sont favorables, je pense, à aller vers une sorte d'harmonisation. Mais ce ne serait pas suffisant, parce qu'il faudrait boucher tous les trous dans la base fiscale, et notamment lutter contre l'évasion fiscale, fermer les paradis fiscaux. Ça serait vraiment absolument essentiel si on veut avoir un impôt sur les sociétés qui est vraiment payé par les entreprises. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, en tout cas pour les plus grandes d'entre elles. Mais le risque également, c'est que les entreprises nous disent « Oui, d'accord, une harmonisation fiscale, mais par le bas. » Oui, alors bien sûr, elles voudront baisser les taux, mais en réalité, il y a tout à fait moyen, là aussi, d'imposer, si les gouvernements le veulent, c'est une question de volonté politique, d'harmoniser en mettant un minimum. Parce que le sens du serpent, justement, c'est d'avoir un minimum. C'est-à-dire, ben, l'impôt sur les sociétés... Ne diminuera pas en dessous, par exemple, de 30% ou de 40%. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible s'il y a une volonté politique pour le faire de la part des gouvernements. Mais la phrase actuelle du MEDEF, c'est de dire « baisser nos charges de 100 milliards et nous, on créera 1 million d'emplois ». Ce sera la dernière question pour cette première partie. Oui, alors le MEDEF, on a vu d'ailleurs ce qui s'est passé aux États-Unis puisque monsieur... le patron du MEDEF, M. Gattaz, a fait une remarque à ce sujet en disant qu'il n'est pas question de prendre des engagements. Donc on voit bien que c'est pas du tout sérieux. Ce fameux pacte de responsabilité qu'a mis en avant François Hollande, il a fait un cadeau fiscal supplémentaire aux entreprises, mais en réalité, celles-ci refusent tout engagement. Donc, ceci ne marche pas. On va avoir, une fois de plus, des décisions unilatérales en faveur des entreprises, et ce seront les contribuables qui vont trinquer, et donc notre pouvoir d'achat, en quelque sorte, qui va être directement affecté par ces mesures fiscales. Entendu. Merci Dominique Pillon. On vous reprend dans 3 minutes. On fait une pause musicale. On avait passé l'année à tenter de s'opposer au rouleau compresseur. Car la mondialisation, ben c'est la disparition des petits cultivateurs. On avait passé l'été à faire libérer José en tapant la mesure. Sur des bidons de mazout, sur des glissières d'autoroute, les grilles des préfectures. Des préfectures. C'était dans les premiers jours du mois d'août 2003. Il y avait du monde plein les routes, on ne s'en venait pas. C'était dans les premiers jours du mois d'août 2003. Tous ces gens qui se rajoutent, un jour ça suffira. Pour les gens de l'OMC, nous on n'est que du gibier, de la chair à business. Ils veulent tout privatiser, tout breveter, tout faire rentrer au fond de leur tiroir caisse. Mais nous là au milieu, on chante, on crie comme on peut, on cause, on s'organise. On va pas les laisser faire, on leur fera dire que la terre c'est pas leur marchandise. Leur marchandise. C'était dans les premiers jours du mois d'août 2003. Il y avait du monde plein les routes, on ne s'en revenait pas. C'était dans les premiers jours du mois d'août 2003. Tous ces gens qui se rajoutent, un jour ça suffira. Un autre monde c'est possible. Un autre monde c'est possible. Un autre monde c'est possible. Un autre monde c'est possible. Il y a 30 ans déjà, les paysans de ce coin-là voulaient sauver leur terre. Personne n'aurait pu parier qu'un jour ils allaient gagner contre des militaires. Moi j'ai ramené du Larzac, du soleil plein mon sac, des idées plein ma tête. Moi j'ai ramené de l'espoir, l'envie d'aller en bagarre. Bien, on va écourter un peu la pause musicale, on va reprendre. Je ne l'ai pas cité, mais c'est Benjamin, vous l'avez reconnu, chers auditeurs et auditrices, qui avait la parole. Il va la prendre maintenant. Alors, Dominique Pillon, concrètement, qu'est-ce que l'État français, avec les autres États européens, peut mettre en place pour lutter contre l'évasion fiscale? Alors, la chose est relativement à la fois simple et compliquée. C'est clair que si on veut être efficace, il faut minimum de coopération entre les États, parce qu'on a face à nous, des multinationales qui, elles, ont une dimension internationale, mondiale, et qui font de l'optimisation fiscale en localisant leur argent dans les paradis fiscaux aux quatre coins de la planète. Mais en même temps, c'est simple, parce qu'on voit très bien ce qu'il faudrait faire. La piste qui est intéressante, d'ailleurs, c'est ce qu'ont fait les États-Unis. Les États-Unis ont fait voter une loi FATCA. Alors ça veut dire Fair Account Tax Compliance Act, peu importe, pour retenir le mot FATCA, F-A-T-C-A, qui est une loi qui oblige toutes les banques et toutes les institutions financières en dehors des États-Unis à déclarer à l'État américain les fonds qu'elles reçoivent des ressortissants américains, donc des fonds qui sont placés à l'étranger. Donc en particulier des fonds placés dans les paradis fiscaux, que ce soit en Suisse, au Luxembourg, à Jersey, etc., etc. Et comme les États-Unis sont une grande puissance et qu'elles ont des moyens de coercition importants, elles obtiennent des résultats. Et que les pays, et à commencer par la Suisse, par exemple, ont été obligés de déclarer. Et ce qui est un moyen, évidemment, de lutter contre l'évasion fiscale. Donc l'idée, ça serait que l'Europe fasse la même chose. Alors, l'Europe est en train d'évoluer, notamment la France, parce qu'il y a eu, par exemple, une convention qui a été signée en novembre dernier entre la France et les États-Unis pour, justement, généraliser cette approche en termes, dans l'esprit de la loi FATCA américaine, c'est-à-dire d'échange d'informations entre les pays pour que les autorités fiscales de ces différents pays soient au courant de l'argent qui circule, en quelque sorte, qui est placé en dehors de leurs frontières. Donc, voilà, je pense que il faut une coopération internationale. Il y a des éléments de coopération internationale qui se mettent en place. Alors là, pourquoi ? Ben, sous la pression, je pense que la pression de l'opinion publique en Europe et en France est très importante. En France, avec l'affaire Cahuzac, avec le fait que dans les sondages d'opinion, le montrent très clairement, les gens sont très choqués par l'évasion fiscale. Ils sont très opposés, évidemment, à ces pratiques. Ils sont une forme d'injustice fiscale, hein, parce que c'est les plus gros qui échappent. C'est les Bettencourt ou les Total qui ne payent pas d'impôts et le petit contribuable, le contribuable moyen, paye plein pot, ses impôts. Et donc, il y a un courant d'opinion qui fait que les gouvernements de gauche comme de droite sont obligés maintenant de prendre en compte cela et de commencer à chercher à restreindre l'évasion fiscale. On n'est pas au bout du chemin, hein. On n'a pas gagné la bagarre, mais disons que les choses avancent d'une manière plutôt favorable en ce moment. Et à combien se chiffre l'évasion fiscale ? Alors, pour un pays comme la France, je vais citer des chiffres de la Cour des comptes, qui sont d'ailleurs très conservateurs, qui sont le bas de la fourchette. On est au minimum à 60 milliards d'euros annuels d'évasion fiscale, principalement par des multinationales. Hein. 60 milliards d'euros d'évasion fiscale, ce qui fait que si on arrivait à réduire les trois quarts cette évasion fiscale, on aurait plus, le déficit budgétaire serait tout à fait minime. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose qui pèse énormément sur les finances publiques. C'est un chiffre absolument considérable, que c'est 60 milliards d'euros annuels. Est-ce qu'on en prend le chemin ? On n'a pas l'impression que le gouvernement actuel veuille défendre la fonction publique. Et là, il faut des inspecteurs des impôts, par exemple. Bonne question. Alors d'ailleurs, on est allé, nous avons fait, je dis nous, parce que donc, je suis à l'attaque, et avec un syndicat qui est le syndicat solidaire finances publiques, nous avons rendu visite à un des membres du cabinet de M. Moscovici et à ce sujet, et nous l'avons fait remarquer que c'était juste après l'affaire Cahuzac, il affichait comme priorité la lutte contre l'évasion fiscale et en même temps, il réduisait les effectifs des inspecteurs des impôts et que donc là, il y avait une contradiction dans la politique. C'est clair que le gouvernement n'est pas du tout cohérent entre son discours et ses actes en matière de lutte contre l'évasion fiscale. Et finalement, quand le gouvernement nous parle de remise à plat du système fiscal dans son entier, d'après vous, qu'est-ce qu'on peut en attendre et qu'est-ce qu'on ne devrait pas en attendre, justement ? Mais écoutez, pas grand-chose, parce que la remise à plat de la fiscalité, c'est un travail de longue haleine, mais qui devrait commencer maintenant. Et là, les premières mesures qu'a pris le gouvernement, par exemple, en augmentant, comme je l'indiquais tout à l'heure, la TVA au début de 2014, va à l'encontre de l'objectif qu'il avait affiché lui-même, de justice fiscale, c'est-à-dire de revoir la structure de la fiscalité française, notamment entre les impôts indirects que sont les TVA en particulier, et directs que sont la CSG et l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés, pour rééquilibrer en faveur de la fiscalité directe. Et la première mesure que prend le gouvernement, c'est d'augmenter les impôts indirects. Donc, il y a là aussi une contradiction incroyable entre le discours qui est de remettre à plat la fiscalité et notamment de rééquilibrer celle-ci dans le sens d'une plus grande justice et d'autre part, donc, ce qu'il fait concrètement sur le terrain, si je puis dire. Et est-ce que l'instauration de l'impôt sur le revenu à la source est un début de solution d'après vous ? Oui, alors... je pense qu'il y a deux impôts qu'il faut profondément réformer. C'est l'impôt sur les sociétés, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est-à-dire revoir l'assiette, revoir toutes les niches fiscales, augmenter les taux, l'harmoniser au niveau européen, instaurer un serpent fiscal à ce sujet-là. Et la deuxième impôt, c'est l'impôt sur les revenus. Et là, une des dimensions, mais pas la seule, hein, il y a deux mesures à prendre, principalement, enfin trois, boucher les niches fiscales, parce que là aussi, il y en a beaucoup, et qui profitent principalement aux plus riches, donc ils réduisent l'assiette sur laquelle les plus riches payent l'impôt. Deux, augmenter les taux et la progressivité. Et troisièmement, faire une fiscalité avec une retenue à la source, ce qui permettrait de payer au fur et à mesure que les revenus sont distribués et non pas un an plus tard. Hein. Et ce qui rendrait les choses beaucoup plus transparentes et le prélèvement beaucoup plus facile d'ailleurs. Mais comment gérer la transition de la passation de l'impôt sur le revenu à la source entre deux années ? Exactement. Alors, donc il y a une année qui serait difficile. Eh bien, il faut aménager l'année pour qu'en effet les gens... les contribuables ne payent pas deux fois, donc il faut faire un passage, peut-être même sur plusieurs années, en biseau, c'est-à-dire progressivement mettre en place l'impôt, la retenue à la source, que très progressivement. Hein. Alors, d'après vous, si on passe l'impôt sur le revenu à la source, cet impôt serait plus accepté par les citoyens ? Il serait plus accepté, ou en tout cas plus transparent, je pense, oui, peut-être aussi, d'ailleurs, un peu plus indolore, parce que les gens n'auraient pas, chaque année, à faire leur chèque au Trésor pour payer l'impôt. Donc, ça sera un facteur d'acceptabilité plus grand. Si on couple à cette réforme de la retenue à la source une augmentation de la progressivité de l'impôt, donc on va faire un impôt plus juste, je pense que ce sera aussi un facteur d'acceptabilité plus grand de la part des citoyens. Parce qu'aujourd'hui, il me semble qu'il faut réhabiliter l'impôt. L'impôt, c'est une contribution citoyenne pour le fonctionnement de la société au sens large. Et qu'aujourd'hui, il y a une espèce de ras-le-bol fiscal qui provient de ce que, je pense, c'est pas tellement parce que les gens pensent qu'ils payent trop d'impôts, c'est surtout parce que la plupart des citoyens pensent que l'impôt est injuste. Et que donc, l'objectif principal de la réforme fiscale, de la mise à plat, que le gouvernement a annoncé et qu'il ne fait pas, ça serait d'améliorer la justice fiscale, c'est-à-dire de faire en sorte que chacun paye selon ses moyens, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas du tout. Et concernant justement cette remise à plat du système fiscal, devons-nous attendre une nouvelle fiscalité écologique ? On a par exemple vu le gouvernement qui a reculé sur l'écotaxe. Bon, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place pour, fiscalité écologique ? La dimension écologique est absolument essentiel dans la réforme fiscale. Alors d'abord un mot, juste pour dire que il faut absolument accompagner et financer la transition écologique et énergétique. C'est vraiment un des enjeux majeurs de ce 21e siècle et même de ce début de 21e siècle. Il faut des ressources publiques parce que ça implique des dépenses d'infrastructures importantes, des dépenses de recherche et développement pour des énergies alternatives. Il faut donc des ressources. Il faut par ailleurs limiter la pollution et notamment l'émission de gaz à effet de serre qui a un impact climatique considérable. Bon, et donc, il y a deux moyens de faire. Il y a le moyen qui consiste à faire un système de permis de droit à polluer. Les gens payent pour pouvoir polluer en quelque sorte, ce qui est un système qui est très critiquable et qui ne marche pas d'ailleurs. Ce marché ne fonctionne pas bien. La deuxième alternative, la deuxième possibilité, c'est de mettre l'essentiel de l'accent en matière d'instruments de politique publique sur la fiscalité. Donc il faut une fiscalité écologique plutôt qu'un système de droit à polluer, etc. Bon. Ensuite, la fiscalité écologique ou la fiscalisation des dépenses écologiques, ça pose des problèmes, notamment, dont je parlais tout à l'heure, en matière d'équité fiscale, justement. Parce que si, par exemple, vous faites payer une écotaxe dans une région donnée, pensons à la Bretagne, par exemple, où les gens se sont révoltés sur ces écotaxes, enfin, en tout cas une partie de la population, pas toutes d'ailleurs, eh bien, les gens ont l'impression que c'est injuste comme impôt, hein, un peu comme la TVA, et que ça fait une charge supplémentaire. Donc là, il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant. L'impôt frapperait plus les moins riches que les plus riches. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut, à ce moment-là, organiser une compensation. C'est faire en sorte que si les gens payent plus d'impôts pour des raisons écologiques de manière à les dissuader de polluer, il faut que ceux qui sont les plus touchés par cette fiscalité en termes de pouvoir d'achat puissent être compensés ailleurs. Et par exemple, par des déductions fiscales dans d'autres domaines. Par exemple, des crédits d'impôts dans d'autres domaines Donc ça, c'est quelque chose qui est assez compliqué à faire, mais qui est tout à fait faisable. Donc c'est pour dire que la réforme de la fiscalité et l'inclusion de la fiscalité écologique parmi les impôts importants, c'est quelque chose qui demande une refonte globale, qui doit s'inscrire dans une refonte globale du système. Autre élément peut-être, je termine là-dessus, il faut aussi qu'on laisse le choix aux citoyens de se reporter dans sa consommation et par exemple aussi ses modes de transport sur d'autres modes de transport. Je prends un exemple. Si vous augmentez les impôts sur l'essence et le diesel, parce que le diesel et l'essence polluent, mais que vous ne donnez pas aux citoyens la possibilité de se reporter sur d'autres modes de transport collectifs, pour abandonner la voiture, par exemple, et aller sur les transports collectifs, donc si vous ne construisez pas des transports collectifs, les gens vont être totalement pénalisés, vont payer plus d'impôts sans modifier leur comportement en matière de transport. Donc ça veut dire qu'il faut accompagner la politique fiscale d'une politique aussi de transport public, d'investissement public dans les infrastructures. Donc vous voyez que c'est un ensemble. On ne peut pas raisonner uniquement sur la seule fiscalité écologique. Mon propos, c'est d'essayer de montrer que ça s'inscrit dans une politique publique d'ensemble. Alors, on était, je pense, obligé d'y venir étant militant d'attaque. Cette fameuse taxation des transactions financières, comment la mettre en place? Et ça sera notre dernière question, je pense. Quel poids? Et comment la mettre en place à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, à l'échelle française? Doit-on attendre que tous les pays la développent ou non? Enfin, comment fait-on? Alors, la réponse que je voudrais donner, c'est que l'idée de taxation des transactions financières a fait des progrès considérables. La plupart des politiques et des économistes étaient opposés à cela il y a 10 ans, avant la crise. Aujourd'hui, la majorité y sont favorables, au moins officiellement. Si je me situe à l'échelon européen, il y a une directive européenne que nous trouvons très intéressante qui a le mérite d'avoir une base fiscale large. Alors elle inclut par exemple l'imposition sur les produits dérivés qui sont un des éléments majeurs de la spéculation que nous voulons combattre grâce à la taxe. Alors, les produits dérivés, c'est principalement ce qu'on appelle les marchés à terme, les marchés d'options. Et elle a un autre mérite, cette taxe, c'est qu'elle a des taux qui nous paraissent raisonnables, pas très éloignés de ceux que nous proposons. Et enfin, elle a des dispositions pour éviter l'évasion fiscale. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail parce que je crois qu'on n'a pas tellement de temps, mais il y a notamment ce qu'on appelle le principe du pays d'origine, c'est-à-dire que si une entreprise française ou une banque française émet un titre dans la zone euro, eh bien, même si ce titre ensuite est échangé à l'autre bout de la planète, par exemple à Singapour, là, l'échange aura lieu à une taxe parce qu'elle a été émise au départ sur l'espace européen. Donc c'est un des moyens d'éviter l'évasion fiscale à l'étranger, puisque la taxation peut se dérouler ailleurs que sur la zone euro. Alors, ça c'est l'aspect positif, l'aspect donc l'existence d'une directive intéressante. Le problème, c'est que j'ai oublié de dire, excusez-moi, cette directive fait l'objet, telle qu'elle est proposée, d'une coopération renforcée entre 11 pays européens. Donc sur les 28 pays membres de l'Union européenne actuellement, 11, dont les plus grands, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, par exemple, participent à cette coopération renforcée. Donc, on n'imagine pas l'Angleterre, en fait. Il y a une négociation pour mettre en œuvre cette taxe. Et il y a une échéance à la fin de la semaine prochaine, le 19 février. Les gouvernements français et allemands ont annoncé une initiative commune sur la taxe sur les transactions financières. Et nous avons les plus grandes inquiétudes, je terminerai là-dessus, parce que les lobbies bancaires sont vent debout contre cette taxe, ce qui est d'ailleurs normal, puisqu'on va leur enlever de l'argent et qu'on va les priver d'instruments de spéculation et de moyens de spéculation, mais que le gouvernement français est en train de céder, d'après les informations dont nous disposons, les déclarations qu'ont faites par exemple M. Moscovici, ministre des Finances, ou M. Noyer, gouverneur de la Banque de France, qui défend le lobby bancaire, eh bien, on fait des critiques très fortes à l'égard de la directive européenne. Donc, on s'inquiète beaucoup sur ce que sera la décision franco-allemande qui sera prise à la fin de la semaine prochaine. Mais nous sommes très mobilisés là-dessus, ATTAC et bien d'autres organisations. Il y a à peu près 280 organisations qui ont signé une lettre ouverte au président de la République française pour l'exhorter à respecter ses promesses en matière de taxation des transactions financières. On verra s'il respectera ses promesses. En effet, et cette lettre est sur le site d'Attaque. Cette lettre est sur le site d'Attaque, exactement. Merci Dominique Plion d'avoir été notre invité, d'avoir expliqué aussi clairement des choses qui ne sont pas forcément faciles. Merci, voilà, merci de m'avoir invité. À très bientôt, j'espère. Au revoir. Oui, sans doute. On passe aux lectures. On passe à... Une lecture rapide, alors donc, Riche, pourquoi pas toi ? C'est une BD. J'explique le scénario en deux mots. Un couple de Français moyens, avec enfants, gagne à l'euro million, par exemple, et puisque les voilà riches, ils veulent être parmi les riches. Ah ouais, mais pour être riche... C'est pas simple pour être riche. Les très riches, hein, du coup, il y a des codes langagiers, des codes vestimentaires, de la symbolique. Et qui, pour leur expliquer tout ça à ces nouveaux millionnaires, eh bien, ce sera les Pinson Charlot qu'on connaît, dont on connaît la bibliographie et les bouquins sur les riches. Ils sont croqués dans cette BD par Marion Montaigne et ça sent la complicité entre la dessinatrice et puis le couple Pinson-Charlot. Donc patiemment, avec force quiproquo, malentendu, incompréhension du couple nouvellement riche, ce couple va recevoir une véritable leçon de sociologie bourdieusienne avec dialogue et beaucoup d'humour. Alors, voilà, je sais que Vincent Payon lit beaucoup de BD actuellement. Est-ce qu'il faut conseiller celle-ci ? Ben, peut-être, c'est pas sûr quand même. Lisez-le d'abord avant de prendre contact avec son chef de cabinet. Mais surtout, faites-vous plaisir. C'est un bon moment à passer. Ça coûte 17,95 €. C'est paru chez Dargaud, pour 213 pages. Un petit bonheur à se faire. De Marion Montaigne avec Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot. Voilà, de la sociologie en BD, c'est pas courant et c'est intéressant. Florent, je crois que tu as des rendez-vous à nous signaler. Oui, bonjour. Donc cet après-midi, la bouquinerie occupée l'insoumise, ouverte depuis le 1er septembre 2012, est menacée d'expulsion depuis lundi suite à une procédure engagée par la mairie de Lille. Le projet municipal est de remplacer cette bouquinerie autogérée par des ateliers d'artistes subventionnés. Depuis son existence, l'Insoumise a permis de nombreuses discussions, projections, d'emprunter des livres, d'échanger, d'organiser des réunions. Et donc cet après-midi, pour plus d'informations, vous pouvez assister à une assemblée à 16h, donc à l'Insoumise 10 rue d'Arras. Du local à l'international, le CCFD Terre Solidaire et le CRDTM vous proposent le mardi 18 février à 19h un débat sur la série « Quels enjeux, quelle solidarité internationale ?». C'est au Club de la Presse, 17 rue de Courtrai à Lille. Deux présentations de livres. Le premier de Marc Dufumier, « 50 idées reçues sur l'agriculture et l'alimentation ». Vous avez peut-être vu cet auteur dans le film « La moisson du futur ». À la veille du salon de l'agriculture, il remet en cause l'agriculture industrielle et prône une agroécologie, une agroforesterie pour nourrir la planète. Son intervention a lieu le mercredi 19 février à 17h30, une fois n'est pas coutume, au Furet du Nord de Lille. Autre présentation de livre, Le droit de savoir d'Edoui Plenel, directeur de Mediapart, organisé par l'association Rencontre et Dialogue Pastel FM et l'Université populaire et citoyenne de Roubaix. Ça sera à l'ENPJJ, 16 rue du Curoir à Roubaix. Et l'UCP de Roubaix organise également, dans le même lieu, à l'ENPJJ, un débat sur repenser le travail de la société salariale au revenu de base, avec Olivier Janson, psychologue, directeur de recherche, et Baptiste Milando, professeur d'économie et de philosophie à l'Université de Lyon. Sur le même thème, l'association Travail et Culture organise son prochain cabaret de l'Union sur le thème « Le futur du travail et si nous imaginons aujourd'hui le travail de demain ». sera abordée, entre autres, la question des évolutions techniques et technologiques qui sont couramment assimilées à la notion de progrès social et d'économie et qui peuvent être aussi bien un facteur de bien-être pour le travailleur, mais également un facteur de domination. Au programme, la projection de deux courts-métrages, Le facteur humain et El Pueblo Santiago, suivi de petites formes théâtrales et d'un débat avec Jean-Luc Maltras, syndicaliste. Ça sera au Théâtre de l'Aventure à M. Les Amis du Monde Diplomatique organisent un débat le mercredi 19 février à 20h30 sur intrusion publicitaire, TICE, qui veut dire technologie de l'information et de la communication pour l'enseignement, et transformation de l'autorité, quel impact à l'école. Et ça sera avec Bernard Legros. Trois projections à l'univers. Une première organisée par Chez Violette et Rencontre Féministe, le 21 février à 20h. Donc le titre du film, c'est « If this wall could talk »,« Si ces murs pouvaient parler » en français, sur la thématique des luttes féministes et LGBTQI. Le film présente le parcours croisé de trois femmes qui se battent pour leurs droits. Autre projection, « Ne vivons plus comme des esclaves », par L'An Zéro, Cap Autogestion, sur les luttes en Grèce. Ça sera le 4 mars à l'univers 19h et le 5 mars au Méliès de Villeneuve-d'Ascq à la même heure. Le réalisateur sera présent aux deux projections. Et pour finir, cet après-midi à 19h, toujours à l'univers, la projection d'un documentaire sur l'agriculture colombienne, 9.70, c'est le titre de documentaire et le nom d'une loi qui interdit aux agriculteurs d'utiliser une partie de leur récolte comme semence. Cette loi a été imposée lors de la mise en vigueur d'un traité de libre-échange avec les États-Unis. Donc vous pouvez retrouver toutes ces dates et bien d'autres sur le site lille.demosphère.eu. Merci. Merci Florent. Bien, n'oubliez pas que notre émission peut être réécoutée pendant 2 mois sur campuslille.com et indéfiniment sur notre blog attaquelilleoverblog.com. La prochaine émission aura lieu le 15 mars, toujours sur Radio Campus bien entendu. Le thème principal portera sur les élections municipales dans le contexte de la réforme territoriale dont on parle si peu en ce moment. Deux invités pour l'émission, Fabien Desage et David Guéranger, dont je vous ai présenté le bouquin l'année passée, La politique confisquée, et co-auteur d'un article du Monde diplomatique en janvier, dont je vous ai également parlé. Le titre, c'est « Rendez-vous manqué de la gauche et de la politique locale ». C'est un beau programme. C'est une première, on appellera Fabien au Canada et David sera dans le studio. Surtout, n'oubliez pas notre rendez-vous d'après-demain, le lundi 19h à la Mresse, 23 rue Gosselet, pour reprendre entre nous le sujet du jour sur la fiscalité. Quelques idées fortes contre un paquet d'idées reçues, c'était le titre. Hein. En attendant, nous vous souhaitons tous et toutes, maintenant on a Mathilde avec nous quand même, de passer un très bon week-end. À bientôt. Cela signifie, vous êtes pour moi plus que la vie. Baimir Bisdouchen veut dire en amour, chérie, je vous aime pour toujours. J'aurais voulu pourtant vous dire tout en français, mais j'ai le cœur battant et c'est en vain que je sais. Si vous comprenez, Baimir Bisdouchen, alors dites-moi que vous m'aimez.